Chapitre 8. Tous les hôtes d'Hocker Park étaient réunis ce soir-là dans la galerie des fêtes pour la représentation organisée par Lady Ophelia et Lord Archibald. C'était une très élégante, très aristocratique assistance et la superbe galerie, éclairée à profusion, offrait un spectacle réellement magique. Du petit coin où elle s'était modestement réfugiée avec Mlle Noué, non loin de Lady Dulkey, qui assistait de là à l'interprétation de son œuvre, Magali jouissait en artiste de ce coup d'œil. Elle avait d'abord refusé d'assister à cette soirée, mais devant les pressantes instances de Lady Isabelle, Mlle Amélie avait dit « Puisque vous vous sentez tout à fait remise, mon enfant, vous devriez céder au désir d'Isabelle. Cette petite représentation promet d'être fort réussie, Lord Othil étant de première force et Ophélia excellente également dans l'art de bien dire. Et nous saurons fort bien nous mettre à l'écart de ce monde élégant, toutes deux, vous verrez, Magali. » Magali avait cédé, sans beaucoup d'empressement. Elle avait revêtu la simple et vaporeuse toilette blanche confectionnée avec l'aide de Mlle Amélie en prévision des réunions où elle serait obligée de paraître. Et maintenant, assise près de la vieille demoiselle, elle écoutait avec intérêt les amusantes réparties de Lord Othil, celles de Lady Ophelia, qui se révélait comédienne consommée, les boutades gentiment lancées par Lady Isabelle, les monologues désopilants dits par le comte de Sulkey. Se sentant isolée dans ce petit coin, elle laissait transparaître sur son expressive physionomie les impressions de son âme. Elle riait comme une enfant au passage gai, une émotion traversait ses grandes prunelles veloutées aux endroits émouvants, une ombre les voilait soudain à une phrase, à une pensée qui la froissait. La réserve un peu fière dont Magali s'enveloppait dans le monde dérobait d'ordinaire quelque chose de sa véritable personnalité, en ne laissant que soupçonner la gaieté charmante, la rare simplicité et l'extrême faculté d'émotion de cette âme de jeune fille. Elle aurait souhaité échanger ses impressions avec Freddy, mais le duc de Staldif avait appelé le jeune homme près de lui, et Magali rencontrait seulement le regard amusé de son frère, assis à une certaine distance, au milieu d'un groupe des amis de Lord Gérald. Le duc, légèrement renversé dans son fauteuil, dans l'attitude nonchalante qui lui était familière, semblait écouter les acteurs avec une profonde attention. Mais il était impossible, derrière les verres étincelants de son lorgnon, de déterminer exactement la direction de son regard. En vérité, ce serait parfait si cette pauvre Lady Dairon ne détonnait pas aussi déplorablement, murmura tout à coup à son oreille Lord Orwilly, un lieutenant de Horse Guard que l'on assignait déjà comme futur beau-frère au duc de Staldif. Lord Gérald eut un tressaillement. « Je n'ai pas entendu, Rupert. » « Comment, vous paraissiez si bien écouté, cependant. À quoi pensez-vous donc, mon bon ?» Un fugitif sourire flotta sur les lèvres du duc. « J'étudiais, Rupert. »« Vous étudiez ? Et quoi donc, Gérald ?»« Une âme. »« Peste, mon cher, il n'y a que vous pour cela. Et peut-on savoir l'objet ?»« Non, on ne peut pas savoir, Rupert, » répondit d'un ton grave qui coupa court aux questions de Lord Orwilly. La pièce se termina peu après. Il y eut un brouhaha de chaises, un déchaînement d'exclamations, de compliments, de réflexions. Le duc s'était levé, il se dirigea vers Lady Dulkey. Mlle Noué et Magali ne purent se retenir d'échanger un sourire à la pensée de la petite corvée qu'imposait à Lord Gérald ses devoirs de maître de maison. Il lui fallait en fait adresser à Lady Dulkey des félicitations pour une œuvre dont le succès n'était dû qu'à l'habileté des interprètes, qui avait su rendre irrésistiblement comiques les scènes ineptes et lamentables inventées par la sensible Lady. Mais, une fois de plus, cette circonstance permettait de constater l'aisance incomparable de Lord Gérald dans l'art de dire juste ce qu'il fallait, sans faire de grande entorse à la vérité. L'excellente Lady Dulkey, grisée par les applaudissements qui avaient salué son œuvre, exultait littéralement. Voyant qu'un groupe nombreux d'invités malicieusement complimenteurs l'entouraient, le duc jugea sans doute sa tâche terminée de ce côté, car il se détourna et s'approcha de Mlle Noué. « Je crois que vous vous amusiez tout à l'heure de mon ennui, toutes deux, » dit-il à voix basse avec un sourire. Mademoiselle Amélie se mit à rire et Magali lui fit écho. « Votre grâce y voit vraiment trop bien, » dit gaiement la vieille demoiselle. « Oui, il paraît que je vois tout, » répondit-il sur le même ton. « C'est une précieuse faculté, quelquefois un peu gênante pour autrui. » Isabelle m'a dit ce matin que vous ne vous ressentiez plus de votre malaise d'hier, Miss Magali. Aucunement, Milord, c'était une fatigue très passagère. À condition que la cause ne se renouvelle pas. À ce propos, permettez-moi de vous dire que vous aviez commis une imprudence dans un but excellent puisque charitable, mais enfin, vous auriez pu la payer cher. Une teinte rose couvrit les joues de Magali. « Qu'est-ce que ce Freddy a encore raconté là ? » dit-elle d'un ton contrarié. « Des choses fort utiles à savoir, » répondit-il avec un sourire énigmatique. « Mais je vous conseille d'être plus prudente à l'avenir et de ne pas excéder vos forces. » Il s'interrompit. Lady Ophelia, très en beauté dans ses toilettes verniles, chef-d'œuvre de Doucet, s'avançait en compagnie de plusieurs jeunes filles et de Lord Othil. « Je me demandais où vous étiez passé, Gérald. En avez-vous déjà fini avec vos compliments à Lady Dulkey ? » demanda-t-elle tout en jetant un coup d'œil de colère voilé vers Magali, dont le pur profil ressortait harmonieusement sur le fond pourpre de la tenture. « Mais oui, ma tâche est remplie de ce côté. Je vous dois maintenant des félicitations, Ophélia. Je ne vous connaissais pas, à ce point du moins, ces remarquables dispositions de comédienne. » Était-ce véritablement un compliment, ou bien une de ces ironies subtiles, familières à Lord Gérald ? Le ton du jeune homme laissait quelques doutes là-dessus, et sa cousine ne put retenir un léger froncement de sourcils. « Oui, vous étiez superbe dans ce rôle, Milady !» s'écria Lord Othil. « Tout le monde est d'accord sur ce point, et Lady Isabelle a exquisement joué d'une façon si naturelle, n'est-ce pas, Gérald ?» « Très bien, en effet. Isabelle est restée enfant. Malgré ses 18 ans, elle ne voit là qu'un jeu comme un autre. »« Eh bien, que voulez-vous qu'elle y vit, Gérald ?» Un éclat railleur traversa le regard du duc. « Mon cher, ce qui voit généralement ses amis, occasion de paraître, de briller, de sentir, ne fût-ce que durant un bref moment, cette griserie de la scène et des applaudissements qui affole les cerveaux féminins, certains du moins. » « Et mettez-vous beaucoup de nous au nombre de ces cerveaux-là, Gérald ?» demanda Lady Ophélia avec un gracieux mouvement de tête. « Oh, Ophélia, il ne me convient pas de faire des personnalités, » répondit-il avec un sourire quelque peu ironique. « Vous n'aimez pas le théâtre de salon, je crois, Milord ?» dit Lady Anne d'Othil qui s'était rapprochée. « Mais si, Milady, beaucoup au contraire, sauf pour les jeunes filles. » Celles-ci, à mon avis, perdent toujours à ces petites exhibitions quelque chose de leur simplicité, de leur fraîcheur morale. Elles acquièrent là un aplomb qui ne convient pas à leur âge et trouvent ensuite impossible de vivre sans applaudissements, sans spectacle, sans ces émotions factices, cette exaltation dangereuse que leur procure la petite scène mondaine où elles évoluent. « Gérald, êtes-vous rigide ? C'est effrayant, un censeur tel que vous !» s'écria Lord Archibald. Ainsi, tandis que nous jouions toutes de vérité, Milord, s'écria Lady Anne, moitié riant, moitié vexée. « Mais de quel siècle sortez-vous donc ?» Lord Gérald passa lentement la main sur sa moustache blonde, peut-être pour dissimuler le sourire légèrement sarcastique qui entr'ouvrait ses lèvres. « J'ai, en effet, Milady, sur certains points, des idées assez peu conformes à celles qui courent généralement à travers le monde. Je ne pose pas pour le censeur, comme dit Archie, mais enfin, je déplore bien des errements dans l'éducation féminine actuelle. Et, dussiez-vous me taxer d'idéalisme à outrance, je vous avouerai que rien ne me paraît supérieur, rien ne me semble plus digne de mon respect qu'une de ces âmes de jeune fille, transparente comme le cristal, où la simplicité de l'enfant se mêle harmonieusement au sérieux de la femme, ayant étudié et réfléchi, une de ces âmes exquises qui se cachent sous leur humilité et se révèlent seulement par leur vertu et leur charité. » Tous le regardaient, surpris de son accent sérieux. et dans les grandes prunelles de Magali passait un étonnement indicible en entendant l'opinion énoncée avec tant de grave sincérité par ce jeune homme de 24 ans en face de ces élégantes mondaines dont la simplicité et la réflexion n'étaient pas les vertus dominantes, non plus, d'ailleurs, que l'humilité et la charité. « Vous êtes déconcertant, milord !» s'écria Lady Dothil avec un geste mutin. « Vous exigez la perfection, mais où la découvrirez-vous en vérité ?»« Ce sont de belles théories, rien de plus !» dit Lady Ophelia en déployant un peu brusquement son éventail. « Je ne vous croyais pas idéaliste à ce point, Gérald. On ne sait vraiment sur quoi compter avec vous. Il semble que vous soyez froid comme un marbre, et puis on s'aperçoit que vous avez des idées un peu... passez-moi le mot, un peu exaltées. » « Je ne le passe pas, car il est vraiment peu approprié à l'opinion exprimée par moi tout à l'heure, » répondit-il avec une tranquille ironie. « Il n'y a rien que de fort naturel, de fort compréhensible dans l'admiration respectueuse que m'inspire une vraie jeune fille, simple, pieuse, prête à se dévouer tout entière. »« Une violette, enfin !» interrompit Lady Ophelia avec un rire moqueur. « Une violette, parfaitement. Je n'ai jamais aimé les fleurs trop compliquées, » dit-il avec froideur. Lady Ophelia se détourna pour prendre un sorbet sur le plateau que lui présentait un maître d'hôtel. Un pli s'était formé subitement sur son front et ses doigts saisirent un peu nerveusement la cuillère. « Ah, vous voilà, Roswell, » dit le duc en voyant approcher son secrétaire en compagnie de Freddy. « Où étiez-vous donc placé ? Je ne vous ai pas aperçu. » Mais j'étais près d'ici, pas très loin de votre grâce. J'ai joui à merveille de cette soirée si réussie. « Et vous, Freddy ?» demanda amicalement Lord Gérald. « Moi aussi, milord. Lady Isabelle et Lady Ophelia ont si bien joué. » Lady Ophelia effleura d'un regard dédaigneux cet enfant trouvé qui se permettait de donner son opinion sur elle, la noble artiste de tout à l'heure. « Tant mieux si vous vous êtes amusé, Fred, » dit Lord Gérald. « Je regrette seulement d'avoir privé Mademoiselle Amélie et Miss Magali de votre présence pendant toute la durée de la représentation. Mais je me suis aperçu trop tard de cet égoïste accaparement pour pouvoir le réparer. » Il repoussa du geste le plateau que lui présentait le maître d'hôtel en indiquant d'un signe de tête Mademoiselle Noué et Magali, non encore servies, et s'éloigna pour retrouver ses autres invités. Lord Dothil présenta son bras à Lady Ophelia et, avec les autres jeunes femmes qui se trouvaient là, ils se dirigèrent vers les salons voisins où se préparait une petite sauterie. Monsieur Roswell était demeuré près de Freddy, il dégustait lentement une glace à l'ananas tout en donnant à Mademoiselle Amélie son opinion sur la soirée. Parfois, il adressait la parole à Magali. Mais la jeune fille avait repris son attitude froide, augmentée maintenant d'une certaine hauteur, elle ne répondait qu'autant que l'exigeait la stricte politesse. Cet homme lui inspirait un instinctif éloignement, incompréhensible, pensait-elle en se le reprochant, car William Roswell se montrait dans sa conversation un homme sérieux, de bon sens, et lui témoignait une politesse très respectueuse. « Voulez-vous que nous nous retirions, Magali ?» demanda Mademoiselle Noué en voyant la jeune fille porter la main à sa tête. « S'il vous plaît, chère mademoiselle, je me sens un peu fatiguée. » Monsieur Roswell les accompagna jusqu'à la porte de la galerie donnant sur le hall. Lord Dothil, qui passait par là, s'écria d'un ton de protestation. « Eh quoi ? Partez-vous déjà, Miss Dolté, moi qui comptais vous demander de m'accorder l'honneur de cette mazurka. » « Je vous remercie, milord, mais je suis vraiment trop lasse pour danser. »« Je regrette infiniment, mais Monsieur Freddy ne part pas, au moins. »« mais non, » dit Mademoiselle Amélie en remarquant le coup d'œil d'envie dirigé par Freddy vers les salons où s'ébranlaient déjà les couples. « Il adore la danse, milord, et c'est là un amusement tout à fait approprié à son âge. » Magali et elle s'inclinèrent en réponse au profond salut du jeune lord et de Roswell et sortirent de la galerie. « Ce mal de tête est-il bien douloureux, ma chérie ?» demanda Mademoiselle Amélie tout en traversant le hall. « Non, non, rassurez-vous, chère mademoiselle, simplement quelques élancements fugitifs qu'une bonne nuit de sommeil fera disparaître. mais sachant que vous ne demandiez pas mieux que de vous retirer, j'ai saisi ce prétexte, enchanté d'éviter ainsi la soirée dansante. Cela ne vous aurait-il pas fait plaisir, Magali ? Pas beaucoup, mademoiselle. Je n'ai pas d'inclination pour les fêtes mondaines, vous le savez. Et de plus, j'estime que ma place n'est pas là, dans ce milieu qui n'est pas le mien, et où je ne dois me trouver que par ordre. » Il n'y avait aucune amertume dans son accent. C'était une constatation très paisible qu'elle faisait là, sans regret ni retour d'amour-propre. Mademoiselle Amélie enveloppa d'un regard d'émotion charmée cette jeune créature radieusement belle. Oui, bien que la plus simplement vêtue, elle n'aurait pas été égalée en beauté. Et cependant, elle dédaignait si sincèrement cette occasion d'être admirée. Combien peu aurait agi ainsi ? Allons, ma sage Magali, je vois que le monde ne vous attire pas. Vous avez raison, mon enfant, demeurez le plus possible loin de lui. Mais Lady Isabelle ne vous laissera pas facilement cette liberté. Elle vous aime tant, la chère petite. Quelle nature charmante ! Dit Magali avec émotion. Un peu étourdie, mais cela passera avec l'âge, avec les graves leçons de son frère, aussi, peut-être, ajouta-t-elle en souriant. D'après le souvenir que m'avait laissé le duc de Saldif à 18 ans, je ne me figurais pas qu'il fût devenu aussi profondément sérieux. Oh, il l'était déjà alors, malgré ses habitudes mondaines, il a toujours été, même étant enfant. C'est une âme très belle, malheureusement enorgueillie par une trop précoce autorité et par les adulations de son entourage. Pour ma part, je l'ai toujours trouvé à mon égard extrêmement aimable et bienveillant. Votre prévention contre lui diminue-t-elle un peu, Magali ? Je n'ai pas de prévention, chère mademoiselle, répondit la jeune fille avec une involontaire froideur. Vous ne pouvez nier qu'il se soit jadis montré dur et violent envers moi, une enfant sans défense, qu'il m'ait gardé une rancune tenace qui subsiste encore. Cependant, ajouta-t-elle loyalement, je dois reconnaître qu'aujourd'hui je ne m'en suis pas aperçue. Les parties de toutes sortes se succédaient à Hawker Park, les sauteries, les comédies de salon réunissaient le soir l'élégante jeunesse qui animait le château de son entrain brillant. Un important renfort était arrivé en la personne des comtes Maximilien et Ferdinand de Wolberg, cousins de Lord Gérald, deux jeunes gens renommés dans la haute société parisienne comme d'incomparables bout en train. Le duc, profitant de leur présence, dérobait quelques moments de plus à la noble société qui remplissait son logis et les employait à lire des volumes de grave apparence ou à travailler avec son secrétaire. Il appelait presque chaque jour Freddy près de lui et paraissait prendre un vif plaisir à sa conversation fine et enjouée. La grâce caressante du jeune Dolté agissait évidemment sur lui, comme d'ailleurs sur tous les hôtes d'Hawker Park, qui voyaient d'un œil très favorable ce jeune homme distingué, délicatement spirituel, dont le tact et la rare discrétion n'étaient pas le moindre charme. Magali laissait assez volontiers son frère se mêler, lorsqu'il y était invité, au divertissement d'Hawker Park. Elle le savait à la fois profondément sérieux et très enfant de caractère, fort peu enclin aux plaisirs coûteux, ne portant aucune envie aux nobles et opulents personnages parmi lesquels il se trouvait. Freddy avait une belle âme limpide et aimante, gardée et éclairée par une forte éducation religieuse, et ce contact assez fréquent avec le luxe et la frivolité ne paraissait produire sur lui aucune impression. Magali, profitant d'un assez long rhume qu'il avait retenu à la chambre, paraissait fort peu au milieu des hôtes d'Hawker Park. Ceux-ci n'avaient guère fait qu'entrevoir, brodant silencieusement dans un coin du salon ou causant dans le hall avec Lady Isabelle, la demoiselle de compagnie dont l'apparition provoquait généralement un mouvement de surprise admirative de la part de ceux qui la voyaient pour la première fois. « C'est mon amie Magali Dolté !» déclarait gentiment Lady Isabelle en présentant la jeune fille. « C'est une personne élevée ici par charité !» expliquait Lady Ophélia d'un ton dédaigneux. Et les nobles invités, s'ils admiraient toujours, ne s'étonnaient plus de voir dans l'ombre cette jeune fille que son exquise et très patricienne beauté semblait devoir appeler à tenir le premier rang. Cependant, Lady Isabelle ne se résignait pas à voir sa chère Magali demeurer à l'écart. Ce matin, elle était montée chez Mademoiselle Amélie et avait déclaré qu'elle voulait son amie pour l'après-midi. « Nous ferons de la musique. Ma cousine Julianne est excessivement forte. Lady Anne d'Outil joue admirablement de la harpe. Il faut absolument que je fasse entendre à nos autres votre voix merveilleuse, Magali. » Magali n'avait pas de raison plausible pour refuser. Elle revêtit donc, dans l'après-midi, une toilette toute simple, œuvre de ses doigts habiles, une fraîche étoffe dont la teinte rose pâle seyait à ravir à son teint mat légèrement rosé. Mademoiselle Amélie, en la voyant paraître dans le salon où elle travaillait, l'enveloppa d'un regard satisfait et Freddy s'écria gaiement « Cette robe est délicieuse, Magali. Tu n'as jamais été aussi jolie. » Elle eut un insouciant mouvement d'épaule. Elle faisait peu de cas de ses dons physiques et la sensation qu'elle produisait sur les étrangers lui causait beaucoup plus de gêne que de plaisir. « Magali, veux-tu que nous allions voir si ce livre dont tu me parlais se trouve dans la bibliothèque ?» demanda Freddy. « Si tu le veux, je dois me rendre seulement à 4 heures au salon de musique. Mais ne dérangerons-nous personne ?»« Une partie des invités est au polo, l'autre au billard ou dans le parc. On ne se soucie guère de fréquenter une bibliothèque aussi sérieuse que celle d'Oker Park, tu comprends ?» Et d'ailleurs, Lord Gérald m'a dit que je pourrais la mettre à contribution quand il me plairait. Ils descendirent tous les deux le monumental escalier, traversèrent le hall, la galerie des fêtes et entrèrent dans la bibliothèque. Cette pièce immense, très longue, était assombrie par des vitraux foncés à travers lesquels le soleil répandait sur le sol de marbre des traînées de lumière multicolores. Deux silhouettes masculines se distinguaient cependant là-bas, dans la profonde embrasure d'une fenêtre. L'une d'elles se détourna un peu. « Entrez, Miss Magali, entrez, Freddy !» dit la voix cordiale de Lord Gérald. Magali et son frère, qui s'étaient instinctivement arrêtés, firent quelques pas vers la fenêtre. « Nous pensions ne trouver personne à cette heure, Milord !» dit Magali en répondant au salut de Lord Gérald et à celui de Lord Lowood, occupé à examiner des médailles dont le duc tenait encore un certain nombre à la main. « Mais cela importe peu, Miss Magali, ne vous occupez pas de nous, cherchez avec Freddy tous les livres qu'il vous faut. Vous le voyez, je suis en conférence numismatique avec Lord Lowood, » ajouta-t-il en souriant avec une imperceptible malice. Il se détourna pour reprendre son entretien avec le vieillard, dont les yeux voilés avaient effleuré Magali et, plus longuement, Freddy. Les deux jeunes gens se mirent en devoir d'explorer la partie de la bibliothèque où ils espéraient trouver le livre désiré. La conversation de Lord Glowhead et du duc de Staldiff leur arrivait par bribes. Il était question de médailles et, sur ce sujet, le vieux lord, habituellement laconique, s'échauffait un peu. « Une merveille, celle-ci! Introuvable, Milord, je vous le garantis! Une perle, un trésor sans prix !» disait-il d'une voix oppressée par l'émotion. « Je ne savais pas posséder de telles raretés !» répliquait le duc avec quelque indifférence. « Oui, une pièce unique! Cette médaille, tenez, j'irai la chercher au fond du Tibet !» s'écria le vieillard avec une sorte d'exaltation. Le duc eut un léger éclat de rire. Le duc eut un léger éclat de rire. Ce serait peut-être risquer beaucoup, Milord. Je crois qu'il sera beaucoup plus simple de la mettre ici dans votre poche et de la verser de là dans votre collection de Londres. Quoi, Milord, acceptez-vous de me la vendre ? Balbutia le vieillard, visiblement stupéfié de bonheur. Vous la vendre ? Non, certes, je ne fais pas de commerce. C'est votre parent qui vous prie de l'accepter et de la joindre à votre collection, célèbre dans le monde des numismates, sans flatterie de ma part. Moi, je ne collectionne rien. » Cette fois, le froid vieillard semblait radieux, sa voix avait des inflexions presque émues en remerciant Lord Gérald. Magali, tout en feuilletant un volume, n'avait rien perdu de cette petite scène qui mettait bien en relief la superbe générosité habituelle au duc de Staldiff de tous les temps et continuée dans leur descendant actuel dans ses rapports avec ses pairs. Le jeune duc l'étendait également, très large, à ses principaux serviteurs, mais il ne paraissait pas qu'il eût songé à descendre plus bas et à répandre ses bienfaits sur les plus pauvres et les plus humbles. Cependant, ce matin, Magali avait éprouvé une vive surprise et une très grande joie. En revenant du parc, où, après la messe, elle avait été faire une promenade avec Freddy, elle avait rencontré le pauvre Jem, que Mademoiselle Amélie et elle voyaient quelquefois, ainsi que sa sœur Maggie, à un endroit convenu, et auquel elle réservait une bonne part de ses modestes revenus de charité, heureusement augmentés par la générosité de la duchesse et de Lady Isabelle. Eh, que venez-vous faire ici, Jem ? S'était-elle écriée. Jem, dont le pâle visage, creusé par les privations, rayonnait littéralement, avait jeté en l'air son chapeau informe et sans couleur. Qu'y a-t-il donc, mon brave Jem ? Oh, Miss Magali, figurez-vous que sa grâce m'a fait dire de venir lui parler. J'étais bien inquiet, je me demandais si c'était encore un malheur qui allait tomber sur nous. Mais jamais je ne me serais douté. Savez-vous ce que m'a offert sa grâce, Miss Magali ? Non, je ne sais pas du tout, Jem, avait dit Magali, souriant de l'exaltation joyeuse du petit garçon. Eh bien, de nous faire entrer, Maggie et moi, dans une maison où on nous soignerait bien, après quoi nous aurions une bonne petite place à son service ou à celui de Lady Isabelle. Est-ce que ce n'est pas incroyable, Miss Magali ? Aurais-je jamais pensé que lui, si violent et si dédaigneux autrefois, se montrerait maintenant si bon ? Ma foi, j'oublie bien volontiers ses coups de cravache, avait-il ajouté en secouant allègrement les épaules. D'autant plus qu'ils étaient moins durs que les coups de bâton de la mère. Pauvre garçon, avait dit Magali d'un ton de pitié. Je suis bien contente de ce qui vous arrive, Jem. Je n'aurais jamais osé rêver cela. J'avais bien un peu parlé de vous à la duchesse et à Lady Isabelle, mais vraiment, il me paraissait bien utile de vous faire rappeler par elle au souvenir du duc, à cause de ce qui s'est passé jadis. Pourtant, sa grâce m'a dit que c'était vous que je devais remercier, Miss Magali. Moi ? Et à quel propos ? Je ne sais pas. Voilà les paroles de sa grâce quand j'essayais de lui dire ma reconnaissance. Gardez-la pour Miss Dolté, mon garçon, car sans sa charité, j'ignorerais encore votre malheur. Alors moi, j'ai dit, Miss Magali a été un ange pour nous, je me ferais tuer pour elle. Et sa grâce a répondu, avec un air que je ne lui connaissais pas autrefois, je crois que vous n'auriez pas tort, Jem, elle doit le mériter. Vous avez dit des sottises, Jem, avait répliqué Magali en essayant de prendre un petit air sévère. Vous n'aviez aucunement besoin de parler de moi. Dame, c'était difficile autrement. Qu'est-ce qui nous a consolés, aidés, nourris en cachette depuis 15 jours? Il fallait pourtant bien que je réponde aux questions qui m'étaient faites. Et n'ayez pas peur, Miss Magali, sa grâce n'avait pas du tout l'air fâchée, comme le fameux jour où vous vous êtes jeté devant moi pour me protéger. À preuve, c'est qu'au lieu d'être chassé par lui, je vais rentrer à son service. Il était parti tout rayonnant et Magali avait continué son chemin, heureuse du bonheur de cet humble cœur, reconnaissante à celui qui savait si bien réparer ses injustices de jadis. Cette pensée lui revenait à l'esprit tandis que ses doigts tournaient machinalement les feuillets d'un volume. Mademoiselle Amélie avait-elle donc raison en disant que son âme était naturellement délicate et bonne et que seul l'orgueil et une certaine violence de caractère étaient cause de ces actes injustes, de ces excès de hauteur qui avaient autrefois révolté la petite Magali ? Freddy, venez un peu me parler, dit la voix du duc. Laissant Lord Lowthead à l'examen des médailles, il venait de s'asseoir devant une table couverte de curieuses estampes. D'où vient ceci ? Demanda-t-il en tendant au jeune Dolté un dessin représentant la cascade des fées. C'est moi qui l'ai fait, milord. Je l'aurais sans doute perdu dans le parc. Mes compliments. Ceci est tout à fait remarquable. Pourquoi ne m'avez-vous jamais fait part de ce talent, mon cher Freddy ? Mais je n'aurais vraiment osé pour si peu de choses, murmura le jeune homme en rougissant. Comment, Fred, avec moi ? Vous savez cependant que je m'intéresse vivement à vous. J'aurais été charmé de connaître cela plus tôt. Freddy, sans répondre, baissa les yeux pour éviter le regard investigateur qui l'enveloppait. N'aimeriez-vous pas la peinture, Freddy ? Le jeune homme tressaillit, ses yeux brillèrent. « Oh, milord !» Mais il s'interrompit en baissant de nouveau les yeux. « Serait-ce vraiment votre vocation ? En ce cas, pourquoi m'en avez-vous fait mystère ? Pourquoi, à mes questions sur ce que vous désirez faire, m'avez-vous répondu en me parlant des carrières qui me paraissent, je dois l'avouer, assez incompatibles avec votre nature ?» Freddy ne répondit pas, mais il tourna la tête vers Magali, qui avait fermé son livre et faisait machinalement quelques pas vers les deux interlocuteurs. « Est-ce donc à vous que je dois m'adresser pour obtenir une explication, Miss Magali ?» demanda Lord Gérald. « Oui, milord, c'est moi qui ai, de concert avec Mademoiselle Amélie, fait comprendre à Freddy où se trouvait son devoir, » répondit-elle d'un ton ferme. Il doit déjà trop, pour ne parler que de lui, à la générosité de ceux qui nous ont recueillis pour choisir une carrière où, de longtemps peut-être, il ne pourra se suffire. Il lui faut, comme moi du reste, demander bientôt à un travail un peu lucratif le moyen de libérer de leur charge les bienfaiteurs auxquels nous conserverons toujours notre reconnaissance, mais dont notre dignité, maintenant que nous sommes aptes au travail, nous interdit d'accepter plus longtemps l'aide généreuse. Voilà pourquoi Freddy n'a jamais parlé à votre grâce de son goût pour la peinture. » Le duc, les yeux baissés, traçait à l'aide d'un coupe-papier des cercles imaginaires sur une estampe. Il dit tranquillement « Cette délicatesse ne peut m'étonner de votre part, Miss Magali, mais de mon côté, je dois suivre les traditions de mes ancêtres. » Vous n'ignorez peut-être pas que les ducs de Saldif ont toujours été les protecteurs des arts. Or, il s'agit pour moi de préparer à ma patrie une célébrité, peut-être une gloire, d'encourager une vocation artistique absolument incontestable, de mettre dans sa voie mon ami Freddy. Toutes ces raisons, supérieures aux vôtres, Miss Magali, me feront un devoir et un bonheur de me charger de l'avenir de ce jeune artiste. » Magali l'interrompit par un geste de protestation. « Non, nous avons déjà trop reçu, » dit-elle résolument. « Il nous faut désormais nous suffire à nous-mêmes. » Une lueur d'émotion passa dans le regard du jeune duc. « Vous êtes très fière, Miss Magali, et dans ce sens, je ne puis vous en blâmer. Eh bien, si Freddy le veut, convenons que, lorsqu'il sera un peintre riche et célèbre, il me rendra ce que j'aurai fait pour lui, » en tableau, par exemple, ce qui est une monnaie toujours très bien acceptée d'un duc de Saldif. » Magali ne put s'empêcher de sourire. « Avant d'en arriver là, milord, combien de temps s'écoulera ?»« Très peu, vous verrez. N'est-ce pas, milord, qu'il serait infiniment dommage d'annihiler de pareils germes de talent ?» Ces paroles s'adressaient à Lord Lowted, qui se rapprochait de la table. Le vieillard examina longuement le dessin, puis son froid regard enveloppa Freddy. « En effet, ceci est fort bien, » dit-il laconiquement. « Aussi, je veux absolument lancer Freddy dans cette voie qui paraît si bien indiquée pour lui. Maintenant, je crois qu'il est temps de gagner le salon, milord, » ajouta le duc en se levant et en reprenant le dessin des mains de Lord Lowted. Les joueurs de polo doivent être revenus depuis un certain temps. « Freddy, mon cher, voulez-vous me laisser ce dessin ? Je le trouve si joli que j'aimerais beaucoup à le conserver. »« Mais certainement, milord, » répondit avec empressement le jeune homme. Magali eut une brève impression de contrariété. Elle venait de se rappeler subitement qu'au bas du dessin de son frère, elle avait tracé au crayon quelques vers sur la cascade. Mais elle se rasséréna en songeant que Lord Gérald en ignorait l'auteur, qu'il n'avait pas même paru les remarquer. Et d'ailleurs, s'il le devinait, elle ne risquait que d'être raillée secrètement par lui, qui trouvait ridicules les femmes poètes, à moins qu'elles n'eussent du talent, ce qui n'était certes pas son cas. « Il me semble avoir entendu Isabelle nous dire ce matin que vous feriez partie aujourd'hui de notre cercle de musiciens, Miss Magali, » dit le duc tout en se dirigeant vers la porte. « Ma sœur voulait depuis longtemps vous faire entendre à nos hôtes, mais vous vous dérobiez toujours habilement. Il ne faut cependant pas trop cacher les dons que vous a départis la Providence lorsqu'ils peuvent causer tant de plaisir à autrui. » Tout en parlant, il avait ouvert la porte et se reculait pour laisser passer Magali et Lord Lowted. En traversant le hall, il continua, en baissant la voix et en désignant le vieillard qui marchait un peu en avant, « et vous allez voir l'effet que produit la musique, le chant surtout, sur Lord Lowthead. Nous avions parlé, Isabelle et moi, de ces deux passions, les voyages et la numismatique. Il convient d'y joindre une troisième, c'est un mélomane ardent, et je l'ai vu jadis, ceci est un souvenir d'enfance, car depuis des années il ne fait plus de musique. Je l'ai vu passer des heures entières au piano, avec sa nièce, qui était, paraît-il, une musicienne consommée et possédait une voix admirable.